tel le jour. Pourtant, lorsque les soirs sculptent le firmament de leurs marteaux d'ébène, la ville au loin s'étale et domine la plaine comme un nocturne et colossal espoir. Elle surgit, désir, splendeur, hantise. Sa clarté se projette en lueur jusqu'aux cieux. Son gaz myriadaire en buisson d'or s'attise. Ses rails sont des chemins audacieux vers le bonheur fallacieux que la fortune et la force accompagnent. Ses murs se dessinent pareils à une armée. Et ce qui vient d'elle encore, de brume et de fumée, arrive un appel clair vers les campagnes. C'est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et l'ossuaire et la carcasse solennelle. Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini, vers elle.